parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout, oh, oh, oh, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, comment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Oui, je parlerai. Tu n'as pas chanté, tu le m'aimes hier et aujourd'hui. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Oui, je dirai tout haut, oh, oh, oh, oh, ce que tu as fait pour moi. La gloire de ton nom. Oui, je parlerai. Oh, je dirai tout haut, tout haut, tout haut. Ah, je vous parlerai. De ton nom, je parlerai, je proclamerai la gloire de ton nom, la gloire de ton nom, Seigneur, je proclamerai la gloire de ton nom, car tu es fidèle, je regarderai, je proclamerai la gloire de ton nom. Seigneur, nous te remercions ce matin. Nous proclamons ta gloire ce matin. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci. Et nous invitons le Saint-Esprit ce matin de venir nous aider pour sa parole. Seigneur, cette parole que tu as préparée pour chacun. Seigneur, que cette parole vienne à chacun. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie. Je suis un homme, Seigneur. Mais que la voix qui sort de ma bouche soit ta voix. Pour le peuple, au nom de Jésus. Seigneur, que ta parole bénisse, sauve, guérisse ce matin, au nom de Jésus. Et tout le monde dise Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Où sont les autres? Ils arrivent. Ils sont où? Ils arrivent. Ils sont où? Dans les taxis. Alléluia. Ce dimanche, c'est dimanche des rameaux. Vous ne savez pas? Vous saviez? Vous ne savez pas? Oh. Désolé qu'on nous a pas informé, mais c'est dimanche des rameaux. Donc, on doit amener des rameaux. Alléluia. C'est le jour où Jésus entrait à Jérusalem. Ah, c'est son dernier entrée à Jérusalem. Ah, il est sur la route pour la croix. Il a dit, je viens. Il sait que c'est pour la croix. Et il est venu. Alléluia. Amen. Et on doit reconnaître cela. Alléluia. Ce matin, je voulais juste terminer ce que j'ai commencé il y a 2 semaines. Alléluia. C'est quoi? Pardon? Comment transformer notre intelligence par la parole? Alléluia. Amen. Vous êtes là? Il faut répondre, s'il vous plaît. Yeah, faut répondre par la parole. Mais avant de commencer, on doit mémoriser nos versets pour la semaine. Alléluia. Le verset de la semaine, c'est Jean 1, 12. Alléluia. Que nous connaissons très bien. Ah, hein? C'est tout le monde connaît? Tout le monde connaît? Non, Jean 1, verset 12. Est-ce qu'on peut ouvrir la Bible, tous, tout le monde? Jean 1, 12. Jean 1, 12. Jean 1, 12. Jean 1, 12. Jean 1, 12. Très vite. Jean 1, 12. OK. OK, on lit ensemble. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Alléluia. Hein, on relit encore. Mais à tous ceux qui ont, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, 12. Alléluia. Verset qui nous dit que ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne sont pas enfants de Dieu. Là, c'est ce verset qui nous dit ça. Très clair. À ceux qui l'ont reçu, est-ce que tu as reçu Jésus-Christ comme son sauveur? Si tu n'as pas reçu, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es quoi? Tu es une créature, Dieu t'a créé juste, mais tu n'es pas enfant. Alléluia. La plupart des temps à la maison, c'est pas tout le monde qui est enfant. Il y a les serviteurs et puis les... Alléluia. Donc, on relit encore Jean 1, 12. Merci. Alléluia, Jean 1, 12. Une fois encore, Jean 1, 12. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais qu'elles sont nées. Alléluia. Une fois encore. Est-ce que vous avez faim? C'est comme la voix diminue. Alléluia. Ok, maintenant, est-ce qu'on peut fermer la Bible? On peut? Ou bien une dernière fois? Qui dit une dernière fois? Ok, une dernière fois. Jean 1, 12, 1, 2. Mais à ceux qui ont cru en reçu, ceux qui ont cru, elle a donné le pouvoir. Jean 1, 12. Ok, on peut fermer maintenant. On peut fermer. Ok, fermons. Jean 1, 12. Ok, Jean 1, 12, une fois encore. Jean 1, 12. la chorale. Jean 1, 12. Ah, il y a une partie de la chorale ici. Ok, alléluia. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Une dernière fois, Jean 1, 12. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Donc, ce verset, mémoriser, méditer cette semaine. Alléluia. Et ça doit te donner l'assurance que tu es enfant de Dieu. Il y a une différence entre enfant de Dieu et quoi? Et serviteur de Dieu. Alléluia. Ah, il y a un certain amour pour savoir qu'il y a quelqu'un qui est un père. Et tu es enfant. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc, ça doit te rassurer. Je dis que le Seigneur t'aime. Alléluia. Yeah. Ok. Donc ce matin, je veux finir les raisons pour lesquelles nous devons renouveler notre intelligence par la parole de Dieu. Alléluia. C'est pas renouveler l'intelligence par ce qui se passe, ce que les amis disent. Alléluia. Et la première des choses, qu'est-ce qu'on a dit? La parole de Dieu nous donne quoi? Direction. Deuxième chose. Lumière pour les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Troisième. La sagesse. Tu deviens sage. Alléluia. À l'âge de 19 ans, tu seras très sage. C'est comme quelqu'un qui a 90 ans. Vous comprenez? Par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu, tu es très sage. Sage. Alléluia. Yeah. Et puis, quelle raison encore? La parole de Dieu fait quoi? À comprendre ce qui se passe autour de nous. Alléluia. Et cinquième. Et pour savoir quoi faire. Hein? Vous vous rappelez, non? Hein? Michée 6, verset 8, qui dit quoi? Vous avez oublié? Michée 6, verset 8. Lisons ensemble Michée 6, verset 8. Michée 6, verset 8. Michée. C'est Michée? Michée 6, verset 8. Michée. C'est un livre de la Bible. Michée. Michée 6, verset 8 dit quoi? On a lu ça la semaine passée. Vous avez oublié? Pardon? On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que le Seigneur demande de toi. Je veux que vous lisez ça ensemble, vous-même. Michée 6, verset 8. Tout le monde est là? On lit ensemble, Michée 6, verset 8. Alléluia. C'est très clair. Donc, avec la parole de Dieu, tu vas connaître ces choses-là. Tu vas connaître ce que le Seigneur demande de toi, ce que tu dois faire. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Yeah. Donc, aujourd'hui, on a seulement juste trois raisons. Il y a trois choses. Alléluia. Yeah. La parole de Dieu brûle les péchés dans nos vies. Bien de nos vies. De nos vies, bien dans nos vies. Les péchés de, bien dans. Brûle le péché qui est dans, qui sont dans nos vies. Yeah. Alléluia. La parole de Dieu brûle. Brûle. Brûle. Brûle. Jérémie 5, verset 14. La parole de Dieu brûle. Jérémie 5. Tu renouvelles parce que la parole de Dieu brûle, va brûler. Et lorsque tu sais, lorsque tu connais ce verset-là, qui parle de ce péché, tu vas voir que la parole de Dieu commence à brûler. Et ça fait comment? Ça, déjà, tu commences à dire, ah, non, ça là, je ne dois plus le faire. Ah, ça brûle. Jérémie. Jérémie 5, 14. On lit ensemble. On va lire ensemble. Aujourd'hui, on va lire ensemble. Tous les versets. Jérémie 5, 14. OK. Jérémie 5, 14. OK. On lit 1, 2. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que je vous ai dit cela, voici, je veux, hein? Vous avez lu, Jérémie 5, 14, c'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que je vous ai dit, je vous avais dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu et que du bois et que ce feu les consume. Alléluia. La parole qui sort de ma bouche ce matin va brûler un péché dans ta vie. Yeah. Alléluia. C'est un feu, la parole de Dieu, c'est du feu. C'est du feu. Alléluia. La parole de Dieu, c'est du feu. Ou bien rempli de feu. Ah, je veux faire quoi? Il a dit ça quoi? Il a dit quoi? Parce que je vous ai dit, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit feu. Ah. Wow. Qui va me dire ce matin qu'il y a un péché et que lorsque la parole de Dieu est venue, tu as arrêté de commettre ce péché? Lève la main. Dans ceux qui n'ont pas levé la main, toujours la parole de Dieu n'a pas brûlé. Parce que je crois que tout le monde allait lever la main. Parce que moi-même, j'ai levé la main. Parce que la parole a brûlé dans ma vie. Alléluia. Yeah. Yeah. Ou bien, vous ne comprenez pas la parole, là, ce que je dis. Vous comprenez? Yeah. Vous comprenez? Même là, c'était la semaine surpassée. Quelqu'un est venu me voir. Yeah, quelqu'un est venu me voir concernant quelque chose qui ne savait pas que c'est un péché. Yeah. Et puis j'ai expliqué ça. Ah, ok, moi je crois que c'est ça. C'est autre chose. Alors que c'est autre chose, c'est le péché. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Donc il a décidé de jour là, il dit, ok, à partir d'aujourd'hui, non, je veux suivre la parole. La parole a brûlé un péché. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ah. Voilà que vous allez sentir la parole. Yeah. Il y a un pasteur qui forniquait. Yeah. Avant de devenir pasteur, avant de devenir chrétien. si j'ai pas que certains vous allez publier. Vous allez publier que le pasteur a dit qu'il y a un pasteur qui parle. Alléluia. Avant de devenir chrétien, il était l'acteur de pornographe. Il était le pornographe. Hein? Ceux qui regardent la pornographie là. Les gens qui jouent, qui font la pornographie. Il était l'une de ces personnes. Yeah, il était. C'est lui qui était dans. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Yeah. Et donc, un jour, on a prêché la parole. Il était né de nouveau. Il est devenu chrétien, né de nouveau. Yeah. Donc, la parole de Dieu aimait les uns les autres. Donc, pour lui, aimer, il aimait les filles à l'église. Il dit, je t'aime. OK, donc, allons, on va faire la chose. Je t'aime, allons, on va forniquer. Yeah. Donc, il ne savait pas. Ok, on va aimer, on va aimer. Donc, il forniquait avec les filles. Après, ils étaient nés de nouveau. Donc, un jour, il était dans l'acte. Ou bien, il a fini l'acte. Et il dormait. Et puis, une créature bizarre s'est apparue dans sa chambre. Donc, il a pensé qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. De ce qu'il a fait. Bien, de ce qu'il faisait. Alléluia. Donc, il allait à l'église. Yeah, et puis, on a prêché la parole sur la fornication. Et donc, c'est la première fois. C'est la première fois qu'il a entendu parler de ça. Il a dit, je ne savais pas. Je ne savais pas. Moi, juste, j'aimais seulement les filles. Et je ne savais pas. Yeah. Et à partir du jour-là, il a arrêté de forniquer avec les filles. Yeah. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Alléluia. Et la parole a brûlé ce péché. Aujourd'hui, il est marié, bien marié, bon mariage, et il est pasteur. Est-ce que vous comprenez? Yeah. C'est pourquoi parfois les gens viennent à l'église et puis voient certaines personnes et puis sont étonnés. Et parfois, ils ne comprennent pas et ils ne demandent pas et puis partent. Parce qu'ils disent, ah, mais si ce gars est ici, moi, je ne peux pas rester ici. Pourquoi? Parce qu'il sait ce que le gars faisait. Parfois, il vient voir la chorale. La gloire est de ton nom. Il dit, ah, cette fille-là est là ici. Il est ici dans la chorale. Non, non, non, non. Moi, je ne peux pas rester ici. Moi, je ne peux pas rester ici. Parce que je connaissais la fille. Yeah. Il ne sait pas que la parole de Dieu a brûlé le péché là. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah, c'est la parole de Dieu qui change. C'est la parole de Dieu qui change. C'est la parole de Dieu qui nous permet d'arrêter certaines choses. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Parce que la parole de Dieu est feu. Lorsque ça vient, c'est pourquoi il ne faut pas endurcir ton cœur. Hein? Certains d'entre vous, sa parole de Dieu est venue plusieurs fois, mais tu es endurci. Tu dis, je vais essayer pour la dernière fois. Alors que depuis l'année passée, toujours, la dernière fois n'est pas finie. Il y a combien de dernières fois? Hein? Hein? Il y a combien de dernières fois? Alléluia. La parole de Dieu brûle. Yeah. Et le point suivant, la raison suivante, la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous, hein, allons dire, knock sense. Comment on dit ça en français? Knock sense. La parole de Dieu fait quoi? De l'intelligence. C'est la parole de Dieu qui fait quoi? Je ne sais pas comment expliquer. Ah. C'est la parole de Dieu. D'accord, j'explique, ok? C'est la parole de Dieu qui fait que nous commençons à réfléchir correctement. Yeah. Fait que tu commences à réfléchir correctement. Parce que certains d'entre eux disaient que nous avons ça des bêtises. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous comprenez ce que? Yeah. Ah, comment, maintenant tu, Ta manière de penser est maintenant correcte. Je ne sais pas si la manière dont vous regardez. Jérémie 23. C'est toujours Jérémie. Jérémie 23, 29. Dans le même livre. Jérémie 23. Verset 9. On va lire un peu. Vous allez comprendre. 23, verset 9. Verset 29. La parole de Dieu n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Là. Un feu qui brûle. Et un marteau. Marteau. Qui fait quoi? Tu brises le roc. Là. Qu'est-ce que cela veut dire? Ok? Vous voyez, je donne un exemple. C'était dans vos. Il y a, ton père est fatigué. Ta mère est fatiguée. À cause de cette bêtise-là que tu fais chaque fois. Est-ce que vous allez commencer à vous rappeler un peu? Papa dit chaque fois, mais tu n'arrêtes pas. Maman dit chaque fois, mais tu n'as pas, tu refuses d'écouter. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai ou bien c'est faux? Qui ne dit pas que c'est vrai? Sinon, tu es en train de mentir ce matin. Nous tous. Alléluia. Mais tu viens, la parole de Dieu vient, c'est un marteau. Ça vient, ta brise, cette chose-là. Là, parfois, les parents nous rencontrent et puis sont étonnés que tu as changé cette habitude-là. Tu as arrêté cette bêtise. Là, c'est la parole de Dieu. C'est un marteau qui brise. Qui brise? Tes bêtises-là que tu refuses. On te conseille, tu refuses. On te dit non, tu n'écoutes pas. Yeah. Alléluia. Tu es tellement têtu. Yeah. Tu es tellement têtu. Mais la parole de Dieu vient briser. Têtu, comment on appelle? Le nom c'est quoi? Mais quel est le vrai mot? C'est vrai. C'est un mot français. Quel est le mot français de têtu? Ça, c'est l'adjectif têtu. Têtu, c'est l'adjectif, non? Bien sympa. Entêté. Yeah. Cet entêtement. Yeah. C'est la part de Dieu qui brise cet entêtement. C'est le mot-là que je cherche, en fait. Yeah. Le point-là, c'est la part de Dieu brise l'entêtement. Yeah. Parce que c'est un marteau. Yeah. Un marteau. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Ah, la parole de Dieu, c'est un marteau qui brise l'entêtement. Waouh. Waouh. Waouh. Ah. On a des bêtises, oh. Des bêtises. Faites des bêtises. Ah, c'était dans, vous avez commencé, avant de venir ici, vous avez commencé à être homosexuel. C'est une bêtise. Ou bien lesbianisme. Les filles là, qui sont ensemble. Un jour, quelqu'un m'est venu me voir. Deux jeunes garçons qui sont à l'église ici. Qui est venu me voir. L'autre là dit, oh non, j'ai pas de maison. J'ai dit, ok, le frère là, il va te tambour. Hey! Et la nuit, l'autre là qui l'a invité a commencé à sentir la main quelque part. Il a dit, ah, aujourd'hui je suis avec un invité. Mais avant, j'étais seul. Mais aujourd'hui, avec un... Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Il s'est levé. Et le gars... Ici, haut. Oh, pas loin. Pas loin. Aujourd'hui, là, le gars, là, ne vient plus. Yeah. Malheureusement. Yeah. Est-ce que le quoi là est ici? Celui qui l'a hébergé, tu es là? Tu es là, il ne faut pas te déclarer s'il te plaît, sinon, sinon tu ne tu veux pas aller à la maison aujourd'hui. Alléluia. Tu es en train de faire du bien. Vous les chrétiens là, on veut vous aider, mais faites des... Alléluia. Yeah, ce sont des bêtises. Ce sont des bêtises. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Yeah, parfois je dis des choses. Vous croyez que le pasteur là, je suis allé prendre ça à ma cola. Parfois les choses que je dis, c'est l'église ici. Oh. Yeah, ce sont des bêtises. Alléluia. Amen. Yeah. Donc, mais la parole de Dieu brise. Casse. Yeah. le péché, les bêtises. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Je pense qu'il y a des prostituées ici ce matin. Yeah. Les ex-prostituées. Je veux dire ex-prostituées. Yeah. Parce que la parole de Dieu a brisé ce péché. Il y a des voleurs qui sont ici ce matin. Yeah. Ex-voleurs. Yeah. Ex-voleurs. Les gens qui volaient avant. Il y a les ex-fornicateurs qui sont ici ce matin. Il y a les ex-menteurs qui sont ex-menteurs. S-M-O-M-O, ex. Yeah. Alléluia. Yeah. Mais il y a des gens qui continuent toujours à faire des choses. Yeah. Ce que je prie pour toi, c'est que tu n'arrêtes pas. Mais c'est que tu n'arrêtes pas de venir à l'église. Parce que un jour, la parole de Dieu va briser. Ah, chaque fois, les gens font les bêtises, je dis, Seigneur, que la personne vienne toujours à l'église. Que la personne écoute toujours la parole. À cause de Jérémie 5, 14, Jérémie 29, 23, 29. Yeah, à cause de ce verset. Parce que un jour, ça va briser. Yeah. Il y a des ex-fumeurs ici. De chambre. Yeah. Oui, oui. Vous connaissez oui. En anglais. Yeah. W-I-E-E. Oui. C'est l'herbe là que les gens fument. Yeah. Il y a des gens qui ex-buveurs ici d'alcool. Ex-buveurs. Ex-buveur. Yeah. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Mais la parole de Dieu a brisé ce péché. Yeah. La parole a brisé, brisé, brisé, brisé. Brisé. Alléluia. Amen. Ce matin, la parole va briser une bêtise. Un péché. Yeah. C'est pourquoi chaque fois je dois mentionner ce péché. Chaque fois je veux mentionner. C'est pourquoi, c'est pas que je t'accuse. Parce que papa, mais on vient à l'église chaque fois le pasteur en train de, non. De plus je parle, de plus c'est ça devient faible. Ce pouvoir de péché devient faible. Vous comprenez, non? Yeah. De plus. Et tu sais, et parfois tu vas te sentir mal. C'est ça, non? C'est ça, très mal, c'est en train de briser, briser, briser. Lorsque tu te laisses, la parole va briser. C'est ceux qui ne laissent pas que la parole n'arrive pas à briser. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Tu es là? Yeah! Donc je prie pour toi, viens toujours à l'église. Viens toujours à l'église. N'arrête pas de venir. Viens, viens, viens, viens, viens. Un jour, parce que la parole de Dieu est puissante. Puissante, c'est la part de Dieu qui change. Si je suis ici, c'est la part de Dieu qui m'a changé. Et je suis différent. Ah. Ah. Ah. Alléluia. Yeah. Donc, si tu es nouveau, ne sois pas étonné de voir certaines personnes ici. Si tu es nouveau. Parce que ce sont les nouveaux qui sont étonnés. Ah, c'est ici. Ah, Pierre, tu es là. Ah, Stéphane, tu es là. Je te connaissais au Togo. Si Stéphane vous décrivait la vie au Togo là, avant, il était champion. Mais un ancien ami va venir ici, il va dire, ah, le gars là, je le connaissais où? Mais il a tellement changé. Yeah, tellement changé. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Yeah. Et puis, la raison suivante, ok? Est-ce que ton intelligence est en train de changer maintenant? Yeah. La parole de Dieu vient. Yeah. C'est la parole de Dieu qui sauve. La parole de Dieu qui sauve réellement. J'ajoute réellement. Yeah. La parole qui sauve les gens, qui donne le salut. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'on va en évangélisation, on ne doit pas oublier de mentionner la parole. Il ne faut pas donner tes propres arguments. Vous comprenez? Tes arguments ne vont pas sauver. Tes arguments ne vont pas sauver. C'est la parole qui va sauver. La parole qui va sauver. Romains 1, verset 16. Romains 1, verset 16. Vous connaissez ce verset? OK. Romains 1, verset 16. Car ce n'est point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Alléluia. C'est ça? Yeah. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Yeah. C'est la parole de Dieu qui sauve réellement. C'est la parole. Yeah. Tu vas voir que tu vas faire tes arguments. Quelqu'un va. Ok, je donne ma vie à Dieu. Et tu vas voir que la personne donne sa vie, mais ce n'est pas vraiment réel. La personne va venir à l'église, c'est comme ça. Que vraiment, la personne n'est pas vraiment sauvée. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église, qui ne sont pas réellement sauvées. Ils croient qu'ils sont sauvés, mais ils ne sont pas sauvés. Et parfois, tu vois ça dans leur attitude, dans leur vie, la manière dont ils parlent, la manière dont ils se comportent. Parfois, on voit ça. Ah, tu es sauvé. On se pose la question, est-ce que la personne est sauvée? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Regardez, la raison suivante. Ok, je pense la dernière raison. Ok. C'est la parole de Dieu qui fait quoi? La parole de Dieu qui touche nos sentiments. Hein? Je veux dire intérieur, le sentiment qu'on n'arrive pas à exprimer. Yeah. Qui touche. Qui touche. Yeah. Alléluia. Il y a beaucoup de filles qui ont ça là. Ils ont des ça, elles n'arrivent pas à exprimer comment elles sentent. Elles se sentent bien seulement. La parole de Dieu qui touche. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Là. Hébreux quoi? 4. Verset 12. Hébreux 4, verset 12. Vous connaissez ce verset? Hébreux 4, verset 12. OK. Hébreux 4, verset 12. Dit quoi? Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est la parole de Dieu qui juge les sentiments et les pensées du cœur. Waouh! Waouh! Waouh! Voilà, ce verset, une partie du verset, c'est une partie du verset qui nous montre qu'il y a une différence entre esprit et âme. Ah. Elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointure. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Waouh. Donc la parole de Dieu entre partout, tout aspect de ta vie. Il n'y a rien. Est-ce que vous comprenez? Tout aspect et les jointures de tes sept aspects, la parole de Dieu passe par. C'est pourquoi on dit que la parole de Dieu concerne, ça concerne tout ce qui est, tout ce qui concerne ta vie. La parole de Dieu est là-bas. Là, entre ta vie spirituelle et ta vie physique, la parole de Dieu passe au milieu de ces, par ces deux aspects de ta vie. Entre tes finances et ta vie spirituelle, la parole de Dieu lit les deux. Alléluia. Yeah. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. Ta vie physique et tes finances sont liées. Il y a la parole de Dieu relie ces deux. Je ne sais pas si vous comprenez. Entre les jointures. Moelle, c'est où? Moelle, c'est où? Dans l'os. L'os. Moelle, c'est doux. Bien. C'est douce. Là, bien le. On dit là, bien le. Moelle, c'est douce. Dans l'os, lorsque tu brises. Ma femme aime les os. C'est un mari qui m'a appris à manger les os. À briser les os. Alléluia. À cause de ce qui est dedans. Normalement, donne ça au chien. Pour briser. Alléluia. Yeah. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi la parole de Dieu guérit lorsque tu es malade. Parce que ça entre dedans. Il dit que lorsque Jésus prêchait, lorsqu'il prêchait la parole de Dieu, les gens sont guéris. Les esprits sont chassés. Lorsque la parole de Dieu vient, je ne sais pas si vous comprenez ce que ce matin tu seras guéri par la parole de Dieu. Parce que ça entre dans les sentiments, les pensées. Tu viens, tu es confus, tu n'arrives pas à analyser ta vie. Il y a une partie de ta vie qui est un problème et puis ta vie ziaque. Tu n'arrives pas à analyser, et puis tu viens à l'église, on prêche la parole de Dieu. Tu es, oh Seigneur, merci. Je suis léger maintenant. J'étais lourd, je ne comprenais rien. Mais ce matin, la parole de Dieu est venue et c'est comme je suis. Ah, je ne sais pas comment expliquer. Yeah! Parce que ça entre. Les pensées. Waouh. Est-ce que c'est pas puissant? Est-ce que c'est pas puissant? Est-ce que tu es béni ce matin? Est-ce que tu désires la parole de Dieu maintenant? Tu désires la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait ça. Waouh. Et chaque fois on dit que dans les situations dans ta vie, tu dis que tu es confus, c'est Satan. C'est Satan qui amène la confusion. Yeah. Satan qui amène la confusion. Yeah. Donc s'il y a quelque chose qui est confus, savoir que c'est Satan. Tu as besoin de la parole de Dieu pour venir. Quelle parole? Tu as besoin d'une parole pour cette situation. Faut-tu chercher la parole qui est en cette situation? Tu vas voir que la confusion va quitter. La confusion va quitter. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Tu es une jeune fille. Deux garçons sont venus te faire une proposition. Tu es confus. Ah, Seigneur, je ne sais pas. Hein. Tu as besoin d'une parole. Puis c'est fini. Alléluia. Amen. Yeah. Yeah. La fois passée, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Oh, le prophète a dit quelque chose concernant ma relation. Mes relations. Je suis confus, je ne sais pas. J'ai dit, je l'ai dirigé vers une parole. Va lire cette parole. Elle a lu. Je suis ok. Ça va un peu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, on est sûr. La parole de Dieu nous rassure. Nous met sur le bon chemin. Montre quoi faire. Nous montre quoi choisir. Oh. Je ne sais pas si vous n'allez pas acclamer pour Dieu. Et je vais demander au berger si il y a quelqu'un, un membre, une brebis a besoin. Dirigez cette personne vers une parole. Dirigez cette personne. Alléluia. Dirigez cette personne vers une parole. Tu vois que la personne sera guérie. La personne sera rassurée. La personne sera ok. Alléluia. Parce que la parole donne direction. La parole montre. La parole explique ce qui se passe autour de toi. Parfois. Parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. C'est pourquoi on est confus. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Levez-vous. Acclamez le Seigneur. Sa parole. Sa parole. La parole donne lumière. La lumière, la lumière, la lumière, la lumière. Est juste les sentiments. Est juste les sentiments. Est juste les sentiments. Alléluia. Fermez les yeux, remerciez le Seigneur ce matin pour sa parole. Sa parole. Oh, les bros, les bas. Dis merci ce matin pour sa parole. La parole est puissante, vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrer jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Oh, les bros, les bas. Seigneur, merci. La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Oh, les bros, c'est les babas, que les chambres. Seigneur, merci pour ta parole. La parole nous donne la sagesse. La parole nous montre quoi faire. Ô homme, je te montre quoi faire. Quoi faire? Ô les bros, les bas, Seigneur, merci pour ta parole. Oh, maintenant, on va renouveler notre intelligence avec la parole. L'intelligence avec la parole. Ce qui se passe dans ta vie, renouvelle l'intelligence avec la parole de Dieu, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, on va renouveler notre intelligence avec la parole. Parce que la parole est puissante. À deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Moelle, jointure. Oh, juste les sentiments du cœur, les pensées, les sentiments du cœur. Ah, la parole de Dieu brise le péché. Le péché. La parole de Dieu brise le péché. Brise le péché parce que la parole de Dieu est marteau et feu. Ah, Seigneur, merci. Broselema, kalachambo. Antelebro, c'est les bébés, kelemambro, c'est les mamas. Oh, Seigneur, merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Ta parole, c'est la parole qui donne le salut. Qui donne réellement le salut. C'est la parole. Oh, Seigneur, merci. Merci. Alléluia. Fermez les yeux. Inclinez la tête et fermez les yeux. Tout le monde, s'il vous plaît. Ce matin, je veux prier avec toi. Je veux prier pour toi. Tu as écouté la parole de Dieu. Et tu te sens très loin de Dieu. Tu te sens très loin. C'est comme tu es perdu. C'est comme la vie ne va pas bien. C'est comme il n'y a pas d'espoir. Mais ce matin, je veux te dire qu'il y a de l'espoir en Jésus-Christ. La vie que Dieu a tant aimé le monde, qui a envoyé son Fils, afin que quiconque croit, ce matin tu crois. Tu crois en Dieu. Tu crois que Dieu a envoyé son Fils pour te sauver. Et tu veux être sauvé ce matin. Tu veux avoir le salut de ce matin. À moins que tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. Ce matin, tu veux lever la main. Dis, pasteur, prie pour moi. J'ai besoin. Tu veux lever la main. Lève la main. On va prier. Lève la main. On va prier. Lève la main. Je ne vois pas. Lève la main. Tu veux être sauvé ce matin. Le Seigneur veut te donner le salut. Lève la main. Je vois. Merci, ma soeur. Merci. Je vois. Merci. Toi, si tu veux lever la main, tu veux dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Lève la main. Avant de partir, tu ne veux pas partir sans le salut. Sans choisir Dieu. Sinon, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu ne reçois pas le salut. Tu n'es pas enfant de Dieu. Si tu ne crois pas, tu n'es pas enfant. Tu es juste créé. Dieu t'a juste créé. Tu es parmi ceux qui sont créés. Mais ce matin, tu veux être enfant de Dieu. Comme Jean 1, 12 dit. Merci Seigneur. Si tu as levé la main, est-ce que tu peux venir devant? Dieu, on va prier. Tu n'as pas levé la main. Ok, personne. Alléluia. Ok, fermez les yeux. Seigneur, merci ce matin pour ta parole. Seigneur, merci que tu nous as donné un désir pour ta parole. Seigneur, merci que tu as commencé à renouveler notre intelligence concernant tout aspect de nos vies. Seigneur, merci. Ce matin, je prie pour chacun ici. Seigneur, que tu donnes le désir de pouvoir chercher quelle parole concernant chaque situation de nos vies. Au nom de Jésus. Seigneur, on va toujours revenir à la parole. Pas ce que les gens disent. Seigneur, merci pour ce désir. Merci pour cette décision de revenir à la parole. Et rechercher ce que la parole de Dieu dit. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Ne serons plus dans les ténèbres. Ne serons plus confus. Ne serons plus perdus. Concernant quelle décision prendre. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie ce matin, alors que nous lisons et nous écoutons la parole, que la parole brise les péchés, brise les bêtises. Au nom de Jésus, brise l'entêtement. Seigneur, je prie ce matin que la parole brise l'entêtement qui est dans nos vies. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Et tout le monde dise Amen. Est-ce qu'on peut acclamer, pousser un cri de joie? Alléluia, asseyez-vous.